wire. Marseille, c'est the wire. Marseille, c'est the wire. J'prends une lock et deux, trois potes. J'traverse la Belgique, j'suis à Amsterdam. Le lendemain, j'suis en showcase dans le jacuzzi à Rotterdam. J'fais la fête, j'fais pas la tête. C'est occasionnel, j'bois des verres d'homme. J'mets première et j'accélère. Sur bitume, j'arrache la gomme. Marijuana, arrête de croire que ta clique c'est le cartel de Tijuana. Marseille c'est The Wire. Ils ont la haine, moi je calcule pas, je fais mes bails.